Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une reconstitution super réaliste. En 1999, de gigantesques manifestations se sont opposées à la tenue de la conférence de la toute-puissante Organisation mondiale du commerce à Seattle. Jamais l'opposition n'avait été aussi forte, aussi frontale et aussi violente. Le film que je vous propose de découvrir aujourd'hui vous plonge au cœur de ces événements. Nous pensons que tous les manifestants vont se regrouper ici. Combien de manifestants attendez-vous ? Plusieurs milliers. Il a fallu 200 pour convaincre les représentants de l'OMC de venir à Seattle. Et nous y sommes arrivés ! Il y a 13 intersections importantes dans le centre-ville. Donc, chaque groupe d'activistes va faire en sorte de bloquer une de ces zones. Et on bloque comment ? En étant non-violent. C'est exact. Tu sais ce qui va se passer si vous vous attaquez à la ville ? Ben, je crois qu'on va déclencher une émeute. C'est bon, on y va. Des manifestants bloquent tous les carrefours de la ville. La police ne peut rien faire. Personne n'en, personne ne s'en. Si vous faites intervenir la garde nationale, toute la communauté va s'affoler. Est-ce qu'on vit dans une démocratie ? Radio Sam, on est face à 30 000 manifestants. Nos gars passent un mauvais quart d'heure. Nerveux, Johnson ? T'es con ou quoi ? Tu gâches tout le boulot qu'on a fait, ça avait marché ! Ah ouais ? Et demain ? Manifestants ! Les rues de Seattle sombrent dans le chaos. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je refuse d'envoyer du gaz sur mes concitoyens. Bataille à Seattle, une distribution de stars, Woody Harrelson, Ray Liotta, Michelle Rodriguez, un DVD métropolitain.